Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien sait ce que représente la forêt. La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois, ainsi que des chargeuses en forêt. Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel Saint-Félicien. Pour les rejoindre, composez le 418-679-4194. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre. Et vous avez le projet de lancer une entreprise, d'acquérir une compagnie ou encore de développer votre entreprise? La SADC Maria Chapdelaine est présente. Malgré la crise de la COVID-19, notre équipe peut valider une occasion d'affaires, rechercher du financement d'entreprise ou même participer financièrement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de souligner l'importance de la forêt pour la région dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Parler avec Dave Lamontagne, qui est coordonnateur sportif à la ville de Dolbeau-Mistassini. Il y a de belles annonces qui vont être faites, mais dans un premier temps, on va parler de golf. Salut Dave! Salut Danny, comment ça va? Ça va bien. Dave, le golf à Dolbeau-Mistassini, comment j'ai fait le tour, j'ai fait à Saint-Prime, j'ai fait également à Chibougamau. C'est quand même assez positif dans l'ensemble. Est-ce qu'à Dolbeau-Mistassini, comment vous voyez ça avec la crise du COVID? Ben, nous autres, là, c'est sûr que c'est très positif aussi. Là, on l'a vu là avec l'ouverture là, mercredi dernier. Là, il y a eu un bel engouement. On a un beau terrain, on était prêt à ouvrir, fait qu'on a reçu la nouvelle d'ouverture avec enthousiasme, puis c'est le fun, on voit les gens se déconfiner un petit peu, arriver avec le sourire, là, puis pouvoir marcher sur le terrain, là, fait que c'est très positif. C'est sûr que avec la COVID, tout ça, il y a un lot de modifications, puis tout l'aspect événementiel, là, on sait, la Chambre des commerces, de boum, c'est fini de faire un tournoi à mi-juin. Qu'est-ce qui va arriver avec notre tournoi bénéfice? Notre capitaine, là, Sébastien Marceau, puis il y avait une panoplie de tournois. Puis écoute, je pense qu'on a... des fois, on avait cinq événements par semaine qui se déroulaient. Puis avec l'opération du restaurant à bord aussi, là, on avait des employés là, qui avaient besoin de cet emploi-là, là, mais là, on n'a pas les autorisations pour ouvrir notre restaurant, puis le service de bar, donc cet aspect-là qui est un petit peu plus décevant, mais pour le golf en tant que tel, c'est super bon, là, au niveau du membership, au niveau des visas, puis des permis journaliers, là, on a du monde, puis les gens respectent les consignes, puis c'est du beau temps aussi, ça aide aussi, là, parce que c'est vous êtes tributaire du beau temps, là, que COVID ou pas COVID, s'il fait pas beau, ça va pas bien. Exactement. Là, on a eu des belles journées pour commencer la saison. Là, on a un peu de pluie aujourd'hui, je te dirais que c'est très bien, parce que c'est un sec, là, fait que notre surintendant, Yannick, là, il est bien content de voir cette pluie-là, là, aujourd'hui. Est-ce que c'est une augmentation du membership ou c'est sensiblement pareil? Je te dirais, là, vite comme ça, on dirait qu'on se dirige vers une augmentation. Ouais. Tu sais, là, on a ouvert comme mercredi passé. Là, on a eu les chiffres de la semaine passée. C'était comme 4 jours et demi, là, d'inscription. Fait que c'est plus que l'année passée. Mais, tu sais, je vais être prudent un peu. T'sais, attendons, là. Je pense que du visa puis du membership, t'sais, on va en vendre encore, là, t'sais, aller jusqu'à début juin. Fait qu'on va se laisser une semaine ou deux encore. Mais la tendance, je pense, au Québec aussi, c'est aussi du permis journalier. Fait que des fois, tu vends moins de membership, mais tu as plus de gens qui, des travailleurs ou quoi que ce soit, qui eux autres, ben, ils vont payer le tarif journalier, là, quand ils ont du temps. Fait que parce que le membership, si on s'entend, c'est pour des gens qui ont du temps, des retraités. Donc, ou vraiment des puristes, là, ceux-là qui sont là tous les jours, là, mais qui travaillent, mais des golfeurs puristes. Là. Mais sinon, je pense que dans le permis journalier, là, ça va paraître aussi. Mais oui, je pense qu'on se dirige vers une hausse, ça fait que c'est le fun. OK, mais là, moins de billets, c'est sûr que vous êtes, je pense que vous êtes moins de rapprochement, moins de regroupement, donc ce qui risque d'avoir des baisses quand même. Oh, il va y avoir des impacts au niveau, c'est justement des tournois, toutes les locations de salles, on avait des mariages aussi qui se déroulaient au club, les revenus de port aussi vont être affectés. Qu'est-ce qui va se passer rendu au mois de juillet? On le sait, là, le gouvernement nous prépare des annonces par rapport aux bars et aux restaurants, phase 1. Donc, est-ce qu'on va être en mesure d'offrir un service peut-être d'ici un mois, là, peut-être, je le souhaite. Mm. Mais ce qui nous avantage, c'est que présentement, on le sait qu'exemple, la Ligue de balle, c'est pas décollé, la Ligue de hockey va se passer quoi, le soccer va se passer quoi, le volleyball, il va se passer quoi. Fait que présentement, on est comme pas les seuls, là, mais tu sais, on est une des seules activités qui est offerte, qui est possible de faire, de pratiquer un sport à l'extérieur. Fait que là, clairement, c'est vraiment plate pour les autres, là, puis on leur souhaite que ça ouvre, là, mais tu sais, on va se compter chanceux, puis oui, c'est vrai que ça profite un petit peu au club, là, en ce moment. Si on parlait un peu des promotions, est-ce que vous allez faire différentes promotions étant donné que vous avez pas de... Étant donné que vous avez pas, vous risquez d'avoir des baisses pour essayer d'attirer des gens qui jouent rarement ou jamais au golf? Énormément. Ouais. Ça sort là, fait qu'on a eu un conseil d'administration hier. Okay. On a passé une panoplie de programmes et de promotions. Il y a... On veut comme créer une ligue à l'image un petit peu des ligues de hockey ou une ligue de balle. Là, on veut créer une espèce de ligue de soir au niveau du golf. Ça va être les mardis. C'est un Calcutta, 4 balles, meilleure balle. Fait que c'est vraiment ouvert à tous. On veut sortir ça aux alentours de 15$ taxes incluses pour le 9 trous. Puis ça inclut un panier de balles de pratique. Fait que tu t'inscris à l'avance. On va se faire un groupe Facebook. Puis les gens là vont pouvoir justement... là. Créer une espèce d'habitude à toutes les semaines, c'est après le travail, là, ça va être les inscriptions, là, ben, les premiers départs vont se faire aux alentours de 18h, fait qu'on veut que les gens qui normalement jouent au hockey ou jouent à la balle molle ou quoi que ce soit, ben, viennent se retrouver peut-être chez nous, là, fait que ça, c'est une petite idée qui est lancée. On a aussi un programme découverte qu'on veut faire, ça va durer pendant une semaine de temps. Pendant cette semaine-là, là, tu vas être golf illimité, tu vas avoir les balles à volonté, tu vas avoir 3 cours de golf, puis tu vas avoir les prêts de bâton aussi. Fait que tu n'as pas besoin d'investir. Ben, exemple, tu dis, moi, le golf, peut-être que j'aimerais ça, mais je n'irais pas m'acheter un kit de bâton, un sac, un chariot, puis avoir fait les investissements. Je ne sais pas si je vais aimer ça. Ben, nous autres, on va te faire un genre de forfait tout inclus. C'est-à-dire que tu te présentes, on te prête les bâtons, t'as des cours, t'as 3 départs de golf aussi. Viens frapper des balles tant que tu veux, ça dure pendant une semaine. Puis après, tu prendras ta décision. Bon, ben, j'ai-tu aimé ça, je m'équipe-tu, je m'inscris-tu au club ou quoi que ce soit. Fait que ça, ce programme-là, on va lancer ça, là, dans les, on parle avec nos instructeurs, là, mais on va lancer ça dans les prochains jours, là. On veut faire aussi des fins de semaine en famille. C'est-à-dire qu'exemple, le dimanche, tu viens avec tes enfants, ben, c'est gratuit pour les enfants. Okay, fait que, tu payes tes droits, mais si tu as 2 enfants âgés de 15 ans et moins, ben, eux autres, ils payeront pas. Ça, c'est tout des programmes, des choses qui sont sur la table. Puis on a même d'autres, là, les mercredis aussi, découvertes. Là, notre capitaine Sébastien, là, cette affaire là, de se tenir sur le champ de pratique le mercredi, justement, pour donner des petits trucs de golf gratuitement aux gens qui viennent frapper des balles. Fait qu'on planche fort cette année, là, pour amener, justement, des forfaits, des programmes qui sont intéressants. Puis, on va avoir des rabais de début de saison aussi, là, qui sortent, là, dans le fond, le 9 trous puis le 18 trous, là, on fait des rabais d'environ 15 à 20 aller jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste, aller, mettons, jusqu'au 21 juin. Fait que les gens peuvent s'attendre à payer moins cher pour un 9 trous ou un 18 trous là, à aller en début de saison, là, les fameux rabais début de saison là, qu'on est en train de lancer. Donc, ça va très, très bien. Je veux dire, c'est plusieurs promotions, les gens vont en avoir pour leur argent et ainsi de suite. Dis-moi, si on parlait maintenant des ligues, pas des ligues, mais des tournois. Donc, tu as parlé des tournois bénéfices, mais est-ce que les tournois de compétition vont se faire pareil? Présentement, on a eu de l'information de Golf Québec et toutes nos associations. Ouais. C'est que les concours régionales, les Field Day, on appelle, que ce soit autant junior que senior, là, ça n'a pas lieu. Okay. On n'a pas de calendrier de tournoi. On peut pas vraiment là penser que ce genre de compétition-là, pour le moment, ça va avoir lieu. Mais au fil des annonces, moi, c'est moi qui parle, là. Je pense que oui, éventuellement, il va y en avoir. Je pense qu'il va y en avoir moins. Je pense qu'il va y avoir des compétitions différentes. L'aspect social, tu sais, ne sera pas présent. C'est-à-dire que tu peux te présenter, je sais pas moi, à la baie ou à Delbeau Mistassini, tu fais ta ronde, tu enregistres ton score, puis faut que tu quittes. Ouais. Faut que tu quittes le terrain. Mais même chose avec les tournois, les compétitions régionales juniors, souvent les jeunes se déplaçaient en autobus, en gang, ou c'est via le covoiturage, puis tu avais des rassemblements. Là, si on peut pas faire de rassemblements, c'est difficile parce que ça complique énormément les choses là, pour les aspects de compétition. Okay. On va faire une pause, Dave. Je vais parler du centre de ski de Domiciliu parce que tu t'occupes de ça. Il y a des belles annonces qui ont été faites. Oui. Vous êtes à l'écoute de Nantes-Ouic, Dave Lamontagne, le régisseur sportif à la ville de Delbeau. Vous avez le projet de lancer une entreprise, d'acquérir une compagnie ou encore de développer votre entreprise? La SADC Maria Chapdelaine est présente malgré la crise de la COVID-19. Notre équipe peut valider une occasion d'affaires, rechercher du financement d'entreprise ou même participer financièrement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de souligner l'importance de la forêt pour la région dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien sait ce que représente la forêt. La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois ainsi que des chargeuses en forêt. Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel Saint-Félicien. Pour les rejoindre, composez le 418-679-4194. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre. Et on est de retour à danadosport.com avec le coordonnateur à la ville de Beaumont-Saint-Félicien au niveau sportif, Dave Lamontagne. Dave, évidemment, tu t'occupes du centre de ski de Domiciliu également. Il y a eu des grosses annonces qui ont été faites. 20 000 $ qui ont été faits. Qui ont été annoncés dernièrement, c'est pour, c'est pour les pistes cyclables, ça, c'est ça? Ouais, ben c'est en fait c'est notre volet estival. On sait Domiciliu, on planche beaucoup sur centre plein air 4 saisons. Ouais. Donc la saison estivale là, au niveau de l'été, c'est un volet qu'on développe. On a eu beaucoup de support de la ville de Delbeau-Mistassini, puis de la MRC Maria Chapdelaine pour l'aménagement de nos sentiers. Ça se fait justement l'été pour le vélo de montagne, puis on a de plus en plus de coureurs, tu sais, là, la discipline, ouais. Je pense que c'est en haut, ça, les gens qui s'entraînent, qui courent, puis quand on découvre le volet course en forêt, en sentier, ben, les gens aiment ça, ils apprécient, c'est intéressant, puis on va se dire, à Domiciliu, c'est super beau, là, le long de la rivière Aura, après ça, d'un côté, on a les bleuetières, on a une présence de faune aussi, là, c'est le fun, des fois, on voit des animaux, fait qu'on on est en plein centre-ville, mais on court dans le bois, là, fait que c'est intéressant, fait qu'on a eu, on avait eu un appui, c'était 30 500 $ qu'il fallait, on a dépensé une partie l'an dernier, puis là, cette année, là, on a, comme on a annoncé, là, un beau 20 000 $ là, qui est en résiduel, qu'on va mettre également là à court terme pour la réflexion de nos sentiers. Puis comme je te disais d'entrée de jeu là avant l'entrevue, Nancy Guillemette là, notre députée là au niveau provincial, va faire une annonce aussi. Là, on avait fait des demandes de subvention, je pense c'était aux alentours de novembre 2019. Puis on aurait eu des nouvelles positives. Donc avant d'annoncer les montants ou quoi que ce soit, je vais attendre que okay. Ça soit fait. Mais c'est officiellement majeur comme demande? C'est-tu majeur comme... Ben pour Domiciliu, c'est ouais, oui, ça va être majeur, puis c'est des bonnes nouvelles. OK. Mais on va laisser là le politique faire leurs annonces. Mais comme je vous dis, là c'est une bonne nouvelle qui va se rajouter. OK. À deux jours, nouvelle existence, fait que ça va être très positif à Domiciliu cet été, là. Okay. On est vraiment content. Est-ce que du côté de la réflexion du chalet, est-ce que ça avance aussi, ça? Le dossier, là, quand on parle avec la municipalité, là, dont le maire Pascal Coutier, le dossier est encore là, il est monté. C'est un projet. La ville nous démontre encore leur bonne volonté, ouais, là-dedans, qu'ils veulent, sauf que c'est sûr qu'il y a un coût qui est rattaché à ça. C'est vraiment en fonction des programmes. ça fait pas combien d'années qu'on en parle, là. C'est le même discours, en fait, ça n'a pas changé. Ça va prendre d'un appui du fédéral, du provincial, les étoiles, les astres vont qui s'alignent. Puis c'est comme c'est un programme un tiers, là. Donc c'est pas mort. Mais faut être conscient que présentement, on n'a pas d'annonce. Faut travailler avec l'infrastructure qui est en place. Puis si on a des rénovations à faire, faut les faire. Il faut faire l'entretien minimum du chalet. Mais tu sais, on se fait pas dire oubliez-les le chalet, là, ça arrivera pas. Tout le monde est conscient que ça va en prendre un. Puis là, tout ce qui se passe avec le volet 4 saisons, ça va bien. La clientèle augmente. Je suis là depuis 3 ans, puis je peux dire que le centre, c'est vraiment, vraiment différent de ma première année. Là, côté revenu, côté structure organisationnelle, avec le nouveau conseil d'administration qu'on avait mis en place, l'appui de la ville, il faut le dire, là, la ville, le conseil municipal est vraiment en arrière de Domiski. Ils sont avec nous autres, puis ils sont à l'écoute de nos besoins. Puis je pense que tout ça ensemble, ultimement, oui, un jour, on devrait avoir un nouveau chalet, mais